Le 23 août, la filature Kim Jong-suk de Pyongyang a abrité la représentation d'ensemble que brille la journée de Sungun, des sélectionnés en récital national vocal et instrumental des syndiqués et syndicalistes, consacré au 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sungun par le général Kim Jong-il. Y ont assisté le président du comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée, les syndicalistes et les syndiqués. Sur la scène commencée par le chœur de l'hymne révolutionnaire, chant dédié au général Kim Jong-un, ont été montés des numéros variés, comme le solo vocal féminin du chef-d'œuvre classique « Où êtes-vous, respecté général ?», le solo vocal masculin « Le col-tol rouge » et le duo vocal mixte « Chant de Sungun ».